Science Chrono, Antoine Beauchamp. Le 13 mars 1986, la sonde européenne Giotto frôlait la comète de Halley lors de son passage près de la Terre. Cette date emblématique a été retenue pour inaugurer le plus grand musée scientifique d'Europe, la Cité des sciences et de l'industrie. 150 000 m² dédiés à une transmission renouvelée des connaissances scientifiques, loin de tout triomphalisme et en phase avec les grands défis de son temps, Science Chrono se penche aujourd'hui sur le cas de cet ovni muséal et se pose une question simple en apparence, mais comment peut-on exposer les sciences ? Bonjour Bruno Macquart. Bonjour à vous. Vous présidez depuis 2015 Univers-Science, qui regroupe le Palais de la Découverte et la Cité des Sciences et de l'Industrie. Merci beaucoup d'être à nos côtés aujourd'hui. On va bien sûr parler de la genèse de ce projet de Cité des Sciences et de l'Industrie. On va également se demander comment l'évolution du rapport de notre société aux sciences s'inscrit dans ce musée en tout point hors normes. Mais avant cela, je vous propose d'ouvrir ce nouvel épisode de Science Chrono par un retour en 1985, soit un an avant l'ouverture des portes de la Cité des Sciences. On y entend le physicien Maurice Lévy, tout premier président de la Cité des Sciences, répondre à une question de Joël de Ronay, alors chargé de mission pour la Cité des Sciences. Des musées des sciences, des techniques, il en existe quand même dans le monde. Il y a San Francisco, il y a Washington, Toronto, Munich. Est-ce que le fait d'appeler le nôtre Cité est sa seule originalité ? Non, je pense que la Cité des Sciences et de l'Industrie est le prototype d'une nouvelle génération. Et ceci pour trois raisons. Premièrement, c'est la première fois que l'on va faire une présentation qui ne soit pas triomphale de la science et de la technique. C'est-à-dire qu'on va montrer à la fois les progrès, mais aussi ce que nous avons appelé les ambivalences du progrès. D'ailleurs, de ce point de vue-là, l'incorporation des sciences humaines, qui correspondra à une première également, est nécessaire de ce point de vue. La deuxième raison, c'est qu'au cours des 10 ou 15 dernières années, il y a eu une véritable révolution dans le domaine audiovisuel et informatique. Pendant ces 15 années, il s'est passé tellement de choses. Et enfin, le troisième point, c'est que la cité, et c'est pour ça qu'elle s'appelle une cité, n'est pas un musée. Elle ne se contente pas de montrer des expositions, qu'elles soient permanentes ou temporaires. C'est en fait un système de communication. Elle comporte toute une série d'éléments, que ce soit l'exposition permanente, que ce soit la médiathèque, la géode, les salles d'actualité, l'espace industrie, la maison des associations, la maison des industries, etc. Il s'agit d'un système d'éléments qui tous apportent quelque chose et dont la complémentarité a été recherchée. Voilà Bruno Macquart, qu'est-ce que ça vous fait d'entendre la voix de Maurice Lévy, votre illustre prédécesseur qui nous a quittés il y a deux ans, en 2022 ? Notre fondateur, puisque c'est grâce à lui que nous existons. Il a d'abord répondu à une commande du président Valéry Giscard d'Estaing pour inventer, dessiner les contours de ce qui serait, qu'on appelait à l'époque d'ailleurs, le musée des sciences et techniques de la Villette. Ça va changer de nom après, on y reviendra. Et puis après ça, il a fait autre chose. Et puis il est revenu pour l'ouverture. C'est lui qui a véritablement dessiné ce qu'est la cité encore aujourd'hui, puisque l'ADN de la cité n'a pas changé. Il est intact. Il est exprimé différemment, mais l'ADN est toujours le même. C'est ça qui est assez bluffant dans cette archive, c'est que tout le programme annoncé par Maurice Lévy n'a pas changé. Il y a cette notion de nouvelle génération de musées, cette idée qu'il faut interroger la science, pas seulement dans ses réussites, mais aussi dans ses ambivalences, comme c'est dit, et aussi d'être en phase avec les révolutions et technologiques de son temps. Ça n'a jamais changé en plus de 40 ans, quasiment 40 ans d'existence de la Cité des Sciences. On va parler bien sûr ensemble, Bruno Macquart, de la genèse de ce projet, de cette commande, d'abord d'un rapport fait par Valéry Giscard d'Estaing à Maurice Lévy sur la nécessité ou non de créer un nouveau musée des sciences, mais peut-être qu'on peut aussi poser le contexte dans lequel s'inscrit ce projet-là, d'un point de vue des musées scientifiques en 1970, quels étaient les musées dont on disposait, à quoi ils ressemblaient, dans quelles impasses éventuelles ils étaient dans l'exposition du fait scientifique. Alors, Maurice Lévy a fait un grand tour du monde, en fait, pour rédiger son rapport. Il est allé voir de nombreux autres établissements scientifiques. Et ce qui fait que la cité, elle est à la fois l'héritière d'une tradition assez longue qui commence peut-être avec l'ouverture du musée des arts et métiers ou du muséum d'histoire naturelle, qui sont des musées d'objets, de collections, adossés à des structures de recherche ou d'enseignement supérieur. Donc nous sommes les héritiers de cette longue tradition qui aussi marqué une étape importante avec l'ouverture du Palais de la Découverte en 37, mais on est aussi les héritiers d'un autre mouvement qui a vu l'ouverture du Centre Pompidou. Je pense qu'après l'ouverture du Centre Pompidou en 1977, on pouvait plus ouvrir de lieux culturels comme avant. Et on est un peu la petite sœur, si on veut, du Centre Pompidou. Et d'ailleurs, il y a toute une partie des équipes qui avaient conçu le Centre Pompidou, qui après ça est venue travailler à la Cité des sciences et industries. Donc il y a une filiation intellectuelle assez forte, qui est de dire qu'il y a, alors on dirait plus système de communication aujourd'hui, mais plutôt multiplier les modes d'adresse au public, s'adresser au plus grand nombre et trouver des moyens très différents, complémentaires, en n'ayant pas peur d'expérimenter. Vous avez cité Bruno Macquart, deux des plus grandes institutions d'exposition scientifique en France, le Conservatoire National des Arts et Métiers à Paris, qui a été inauguré en 1794, qui était là vraiment pour présenter des objets scientifiques, des instruments qui mettaient en évidence les évolutions technologiques, on va le dire. Puis le Palais de la Découverte en 1937, qui lui était déjà une petite révolution. Alors pourquoi ce Palais de la Découverte, dans sa genèse et dans son propos, a marqué un tournant et a beaucoup inspiré ensuite d'autres musées aux États-Unis notamment? Jean Perrin, le fondateur du Palais des Découvertes, prix Nobel de physique, excusez du peu, et puis par ailleurs membre du gouvernement du Front Populaire, avait eu l'intuition, avec d'autres, qu'il fallait se détacher de l'objet, que montrer une machine, montrer un instrument, c'était bien, mais qu'on pouvait aussi montrer ce qu'il appelait la science en train de se faire, c'est-à-dire la démonstration, en s'appuyant beaucoup sur les sciences expérimentales, la physique, qui était la reine des disciplines scientifiques à l'époque, et puis qui se prête à des démonstrations qui ont fait la renommée du Palais de la Découverte. Tout le monde connaît l'électrostatique et les cheveux qui se dressent sur la tête, mais il y en a d'autres, bien sûr. Et ce qu'il voulait, c'était que le musée soit peuplé de femmes et d'hommes qui fassent des démonstrations en direct pour le public. C'est très nouveau. C'est un musée dans lequel vous voyez des choses, mais surtout vous pouvez interagir avec des médiateurs et des médiatrices, comme on les appelle. Alors ils étaient en blouse blanche en 1937, oui. Puis après ça ils sont devenus... On était loin des masques, voilà, de réalité virtuelle, mais quand même il y avait cette dimension immersive qui était très très novatrice pour l'époque et qui encore aujourd'hui est l'un des piliers de la muséographie scientifique. Une dimension de démonstration en direct et une démonstration en dialogue, c'est-à-dire que vous créez les conditions dans lesquelles le public peut vous interroger le musée. C'est ça qui était très nouveau, c'est-à-dire que très souvent, quand vous entrez dans un lieu culturel, vous pouvez avoir des questions, mais vous repartez avec. Alors que dans nos établissements, c'est là où je vais arriver à la cité, eh bien vous pouvez poser vos questions et le musée essaye de vous répondre. Ça, c'était très très nouveau, et c'est une équation, on va dire ça comme ça, qui reste totalement valable. Le Palais de la Découverte est d'ailleurs en rénovation et nous allons le rouvrir sur la base de cette recette absolument unique qui en fait tout son prix. À la Cité des sciences et de l'industrie, on a finalement franchi une étape supplémentaire, c'est-à-dire que la médiation, elle est moins faite par de la présence humaine que par des dispositifs qui ont longtemps été mécaniques, électromécaniques et aujourd'hui largement numériques, qui reposent sur l'idée que le musée, il se voit, il s'écoute, mais c'est aussi un musée dans lequel on invite la main à servir d'auxiliaire à la pensée. C'est un musée qui se touche. C'est un musée où non seulement il n'est pas interdit de toucher, alors que quand on est gosse et qu'on vous emmène au musée, la première chose qu'on vous apprend, c'est ne touche pas, tu gardes bien tes mains dans tes poches, faut surtout pas mettre la main sur les tableaux ou sur les sculptures, alors qu'à l'inverse, à la Cité des sciences et de l'industrie, eh bien, vous êtes invité à manipuler, en fait, à faire quelque chose. Donc on passe du voir, écouter, au toucher, et puis on a ajouté une dimension qui n'existait pas en 86, qui s'est développée très largement, qui est que le musée vous invite à faire. C'est tout ce qu'on peut réaliser dans des ateliers, mais aussi aujourd'hui dans des Fab Labs. Ça, c'est intéressant, cette évolution, donc depuis le Palais de la Découverte, avec montrer la recherche comme elle se fait, en train de se faire, donc être aussi collé à une actualité de la recherche scientifique et à une façon de mener des recherches, jusqu'à justement cet aspect plus interactif. Ça, c'est quelque chose qui a beaucoup été développé aux États-Unis dans les années 60, 70, avec les Science Centers, où là, pour le coup, il y avait en germe, finalement, ce qui aujourd'hui serait la Cité des Enfants, peut-être, qui marche toujours aussi bien. Comment est-ce qu'on explique l'importance dans l'imaginaire collectif de cette Cité des Enfants, voilà, pour ce premier rapport à la science? Alors, la Cité des Enfants, elle marche mieux que bien. Si je puis m'exprimer ainsi, elle a fêté ses 30 ans l'année dernière et on a enregistré un record de fréquentation puisqu'on a accueilli 833 000 visiteurs. 833 000 visiteurs, c'est à peine moins que le nombre d'habitants qu'il y a à Marseille. Mmh. Et c'est bien plus que le nombre d'habitants qu'il y a à Lyon. Donc, c'est pour vous dire, le nombre de personnes qui viennent, c'est un lieu pour les enfants et les adultes. Donc c'est un lieu de coéducation dans lequel on invite l'enfant, dès l'âge de 2 ans, à développer des compétences, une curiosité pour le monde qui l'entoure, une découverte de son corps, de ses habiletés individuelles, collectives. Bref, c'est un instrument d'éveil, c'est pas, on n'administre pas des leçons de biologie ou de chimie, mais on ouvre l'esprit de l'enfant et on développe sa façon... sa façon d'être plus tard, on l'aide à grandir en fait. C'est un gigantesque endroit où on l'aide à grandir. C'est un lieu où les enfants et les parents peuvent être ensemble, faire une chose en dehors de leur domicile, d'être avec les autres aussi, et puis qui permet, j'allais dire, en dehors de toute pression du monde extérieur, d'avoir un moment de découverte et de joie. Ce qui est intéressant, c'est que finalement, ça c'est un tournant qui a été opéré dans les années 60-70 dans les musées scientifiques, notamment le fameux Exploratorium de San Francisco, qui est l'un des grands modèles, qui a servi de grand modèle à... C'est notre cousin d'Amérique. Voilà, exactement. Maurice Lévy s'est rendu à San Francisco pour voir un petit peu à quoi ressemblait cet Exploratorium-là, qui mettait en fait finalement le visiteur au centre de l'expérience du musée. Et ça, c'est un tournant communicationnel qui a été très important dans la muséographie scientifique, si je puis dire. Comment, par ailleurs, on a dû et on a pu s'emparer de ce que représentait ce paquebot qui était la nouvelle salle des ventes des abattoirs de la Villette dans le 19e arrondissement de Paris, un espace gigantesque, 150 000 mètres carrés, pour le mettre à la disposition des sciences. Comment on l'a rempli? Comment est-ce que, dès le début, on s'est dit, ok, on a cet espace immense, il va falloir en faire un lieu privilégié pour les sciences? Ça a été un défi d'aménager cet espace gigantesque. Il faut aussi qu'on rende hommage à l'architecte qui a réalisé cette prouesse, Adrien Fensilberg, qui lui nous a quittés l'année dernière, et qui a transformé cet espace industriel en espace muséal dans lequel on peut à la fois avoir des expositions, des ateliers à 10 personnes, un planétarium. On y a même depuis installé un sous-marin, puisque nous disposons d'un sous-marin visitable, et bien d'autres choses encore. Alors, vous parliez de San Francisco, et je disais que c'était notre cousin d'Amérique, parce qu'il y a une très jolie filiation qui fait qu'en fait, les fondateurs de l'Exploratorium de San Francisco sont venus voir à Paris le Palais de la Découverte, s'en sont inspirés pour inventer San Francisco. Et Maurice Lévy est allé voir ce qu'avaient fait nos collègues américains. Il l'a rapporté en France. Et puis, on n'arrête pas finalement de se visiter les uns les autres, puisque nous faisons partie d'une grande famille qui travaille beaucoup par compagnonnage. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est quelque chose qui m'a surpris en bien. Enfin, en tout cas, sans trop me surprendre, puisque la science est une affaire collective et une affaire internationale. Ça transparaît aussi dans ces musées scientifiques où il y a des échanges d'idées, des échanges de pratiques, des échanges de techniques, même de mise en scène de la science. Ça, vous l'expliquez très bien en parlant justement de ces allers-retours entre San Francisco, le Palais de la Découverte, la Cité des Sciences. La Cité des Sciences et de l'industrie. On a souvent tendance à oublier ce mot d'industrie. Est-ce que c'est parce que en 2024, l'industrie française n'existe quasiment plus, en tout cas au sens où on l'entendait dans les années 70, ou bien est-ce que c'est par pure commodité? Alors, je n'aime pas qu'on appelle l'établissement Cité des Sciences tout court, et ceux qui me connaissent bien savent que je suis très attaché à ce qu'on dit Cité des Sciences et de l'industrie, parce que c'était sans doute là que résidait une des nouveautés importantes du projet de Maurice Lévy, c'était de dire comment est-ce qu'on va interroger la science dans ce qu'elle est à ce moment-là, et dans ses rapports d'application. Et donc dans ses rapports au-delà avec la société, comment est-ce que la technologie, l'innovation au-delà des sciences impacte, dessine, structure la société, et à l'inverse, comment est-ce que la société retentit sur l'innovation. C'est une question ouverte, et le gros avantage que nous avons dans la monstration des sciences et des technologies, c'est que c'est comme l'univers, un domaine en perpétuelle expansion. Mmh. Ma matière, tous les matins, elle est plus importante que la veille. Donc nous sommes face à des sujets évolutifs. Vous parliez de l'intelligence artificielle tout à l'heure. On ouvre demain une exposition à Toulouse que nous avons coproduite avec nos collègues du Quai des Savoirs qui viendra à Paris dans un second temps parce que nous avons jugé évidemment que c'était le moment de parler, alors de parler en 2024 de l'intelligence artificielle. Et j'allais dire que notre savoir-faire, c'est de quoi on parle, de quoi on ne parle pas aussi, en prenant le pari de faire une photo à un moment donné et puis surtout d'indiquer aux gens, de leur donner des clés pour comprendre le monde dans lequel nous entrons. Parce qu'évidemment, rien n'est figé, encore moins dans le domaine technologique. Là, on parle du présent le plus brûlant de la recherche scientifique. Si on revient au tournant des années 80 et au moment où on conçoit la Cité des sciences et de l'industrie, c'est aussi un moment où il y a une forme de défiance grandissante à l'égard des sciences, à l'égard de ce que ça nous apporte. On n'est plus dans un culte total du progrès. Une crise pétrolière est passée par là. On commence à prendre conscience de la crise environnementale. Alors, c'est encore lointain, mais on commence à prendre conscience du fait qu'on est peut-être limité par la technologie, en tout cas que la technologie a des freins. Comment la Cité des sciences, dans sa première mouture, si je puis dire, va répondre à cette défiance-là et va essayer de recréer un lien entre les sciences et un public qui se désenchante un petit peu à l'égard des sciences? Maurice Lévy le dit très bien, il dit « nous allons nous intéresser aux sciences humaines et sociales ». Ça, c'est aussi une très grande nouveauté. Aujourd'hui, ça nous paraît évident. Mais de dire que nous allons interroger les sciences et la technologie par le prisme des sciences sociales, ça a été un parti pris très fort, qui était une réponse, j'allais dire, au débat de sociétés qui dépassent largement le cadre français, d'ailleurs, qui ont eu cours dans les années 70 et 80 et qui nous ont permis, encore aujourd'hui, bien sûr, d'interroger intelligemment, de manière fructueuse, la science et les technologies, parce que comme tout objet, là, elle peut être interrogée par de multiples portes d'entrée. Mmh. Il y a un autre aspect aussi qui est crucial dans cette première Cité des sciences, c'est de ne plus montrer une science achevée, une science accomplie, mais une science en cours. Ça aussi, c'est un défi muséographique, muséologique. Comment est-ce qu'on rend compte d'une recherche en train de se faire avec ses hésitations, avec ses doutes? Alors, il y a plusieurs manières de faire, et l'exposition n'est pas la seule. Là aussi, Maurice Lévy le dit très bien. D'où l'intérêt d'avoir ajouté au fil des années des offres différentes. Je dis souvent aussi que nous sommes la maison des scientifiques et que les scientifiques sont chez eux, chez nous, et qu'ils doivent se sentir chez nous, chez eux, et y trouver le lieu de contact avec le grand public, parce que c'est important que la science s'incarne aussi dans celles et ceux qui la font. C'est important. Nous avons développé des techniques de médiation. On est un peu le troisième homme, finalement, entre la science et le grand public. Notre métier, c'est d'être capable de mettre en relation un domaine, la science et les technologies, et puis le grand public. Donc, ça passe par là. Et puis, ça passe évidemment aujourd'hui par un investissement dans des dimensions qui n'étaient pas encore présentes à l'époque où la Cité a été conçue, mais qui sont de plus en plus prégnantes, c'est notre investissement en faveur du développement de l'esprit critique. C'est une autre façon de rentrer dans la question sociétale ou sociale, scientifique et sociale ou scientifique et sociétale, qui est de dire l'univers informationnel a totalement changé. Mmh. Nous sommes dans une information omniprésente, où là, vous avez immédiate. Tous la bibliothèque du monde dans vos poches, immédiate, dérégulée, omnipuissante, égalisée. Comment est-ce qu'on fait, en étant un musée, un centre de sciences, de culture scientifique, pour travailler dans ce nouvel univers? Ça change beaucoup de choses, puisque le rapport avant, il était intermédiaire, il était dans des livres, vous y aviez accès dans des bibliothèques, par l'intermédiaire de maîtres, à l'école, à l'université. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Et donc, il faut que nous reprenions, j'allais dire, le sujet par un autre bout, en armant les gens sur comment est-ce qu'on peut se retrouver, comment est-ce qu'on peut forger une opinion éclairée, alors que l'information est partout. Il faut les entraîner au biais cognitif. Il faut apprendre aux gens à repérer les pièges de la raison. Ils sont nombreux. Se méfier, par exemple, de ses propres intuitions, eh bien, c'est le premier biais cognitif dans lequel on tombe tous régulièrement les deux pieds, et ma foi, l'établissement, et c'est sans doute ça qui le rend à la fois fidèle à son passé et aussi dans le temps présent, a non seulement développé un temps fort de programmation chaque année qu'on appelle le printemps de l'esprit critique autour de cette notion-là, et aussi développer un instrument de mesure, puisque la science, il n'y a pas de raison qu'on ne s'en serve pas, hein, aussi pour faire notre métier, qu'on appelle le baromètre de l'esprit critique. C'est une enquête d'opinion faite selon les standards, les canons de la profession, qui étudie un échantillon représentatif de la population française et qui vise à mesurer le rapport des Français à la science, d'une part, la façon dont ils s'informent en allant vraiment dans le détail, et puis quel est leur rapport au débat d'idées, avec qui ils discutent, et est-ce qu'ils sont conscients des biais cognitifs, le tout étant d'apprendre là où on doit faire porter nos efforts aujourd'hui et demain. Et de montrer que la science est toujours plus près de nos vies d'individus, de citoyens, si tant est qu'il faille le rappeler. On est encore dans une phase de sortie de pandémie mondiale où tout a explosé, on s'est rendu compte que la science était partout présente dans nos vies. Une autre question que je me posais, Bruno Macquart, c'est on parlait de cette immédiateté, du fait que aujourd'hui on a le monde dans notre poche, que les recherches scientifiques vont très vite, notamment sur un sujet comme l'intelligence artificielle, on en parlait tout à l'heure. Une exposition, ça ne se monte pas en un claquement de doigts, ça demande du travail de réflexion, ça demande du travail de préparation, de façonnage d'une certaine façon, et il faut en général plusieurs années pour qu'une exposition temporaire voie le jour. Comment est-ce qu'on monte une expo temporaire aujourd'hui sur l'intelligence artificielle, une expo qui aura lieu par exemple dans 2-3 ans, sachant que dans 2-3 ans, il y aura eu énormément d'évolutions? Alors d'abord, on ne fait pas les choses tout seul. Ça, c'est important. Les scientifiques sont à nouveau très présents. Exactement. Et le fait que nous n'ayons pas de collection, parce que c'est ça aussi qui nous différencie, et que nous ne soyons pas adossés à une institution de recherche ou d'enseignement supérieur, nous conduit à aller chercher systématiquement, quand nous préparons une offre d'importance, aller chercher l'appui des scientifiques. Et là, je voudrais leur rendre hommage, parce qu'à chaque fois qu'on les sollicite, ils répondent présents. Ce qui fait que nous constituons un groupe de entre 10 et 15 sachants, parties prenantes, disons ça comme ça, qui sont intéressés au sujet et qui nous aident à angler le sujet. Parce que dans une exposition, il y a ce qu'on dit et il y a tout ce qu'on ne dit pas. Parce que forcément, il y a plein de choses dont on ne peut pas parler, parce qu'on n'a pas la place et on ne peut pas être encyclopédique et tout dire sur tout. Et c'est important de savoir ce qu'on retient et puis savoir pourquoi on le retient. C'est-à-dire d'avoir un fil scientifique et narratif qui tienne. Il y a un deuxième étage à la fusée, c'est que nous demandons à une institution extérieure d'être le partenaire scientifique de référence, c'est-à-dire l'institution qui valide, qui tamponne, d'ailleurs son logo est sur nos affiches, donc ça matérialise son engagement, qui atteste que tout ce que nous disons est à l'état de la science, et que c'est de la science à l'état de l'art, et que tout ce qui est dit est conforme à l'état de la science au moment où on en parle. Alors après ça, cette matière qui bouge, comment est-ce qu'on court après finalement, ou comment est-ce qu'on n'est pas obsolète au moment même où on est? Eh bien on a des formats plus courts. Les médiations, par exemple, prennent beaucoup moins de temps à faire qu'une exposition. Au moment du surgissement du Covid, on était capable de proposer des médiations sur le Covid. Puis évidemment, après ça, on a été confinés, donc ça a été différent. Mais nous avons aussi développé tout ce qu'on appelle des festivals, les festicités, qui sont de format assez, qui sont ramassés sur un week-end, qu'on met, on va dire, 6 mois à élaborer, et qui permettent à la fois de tester des nouveaux langages muséographiques, d'explorer des nouveaux domaines, et puis de parler de la science la plus immédiate. Et puis après ça, c'est un peu le génie de programmation des équipes, hein, c'est choisir au bon moment le sujet. Quand, par exemple, on a décidé de faire une exposition sur... On l'appelait à l'époque les transitions écologiques. Puis à un moment donné, commissariat Jean Jouzel, partenaire scientifique de référence CNRS, on s'est dit, il faut qu'on l'appelle autrement, en fait. Et on l'a appelé urgence climatique. Quand on a décidé de ça, on n'entendait pas beaucoup cette expression. Aujourd'hui, elle est partout. On a su être... prescripteur, d'une certaine façon. Alors, je ne vais pas être... aussi pédant, mais en tout cas être au bon moment, au bon endroit, parler des bons sujets. Et je pense que c'était important qu'on l'ouvre l'année dernière, juste quand il fallait qu'elle le soit. Bruno Macquart, je vous pose une dernière question, il va falloir être rapide, c'est un défi. On posait la question au présent, comment est-ce qu'on expose la science, comment expose-t-on la science aujourd'hui? Vous qui êtes bien placé pour réfléchir à ces questions-là, comment exposera-t-on la science? Pour vous, les principaux défis sont lesquels? Le défi majeur, le défi de nos sociétés et donc le défi de nos équipements culturels, scientifiques, c'est comment être dans l'Anthropocène, comment être pertinent dans l'Anthropocène. D'abord parce que c'est un sujet, j'allais dire, de cœur, d'offre, mais c'est aussi un sujet de, évidemment, d'être au monde. Comment est-ce qu'une institution comme la nôtre s'inscrit, réduit son empreinte carbone? On est les premiers à avoir mis en place une tarification mobilité durable. Nous éco-concevons nos expositions de plus en plus. Mais comment est-ce qu'on fait pour réduire de manière substantielle notre empreinte carbone? Nous travaillons d'ailleurs avec une équipe de recherche pluridisciplinaire sur ces questions-là, parce que la réponse n'est pas évidente, parce que sinon elle serait déjà mise en œuvre. Puis après ça, c'est comment être à Paris, et puis aussi être partout. La ministre de la Culture a fait de la culture pour tous un axe fort, et par exemple avec des dispositifs comme Fab Lab à l'école, qui est un dispositif qui va dans les écoles. Eh bien, nous sommes aujourd'hui, à l'heure à laquelle on parle, présents dans 80 communes rurales, et certaines ont moins de 1000 habitants. Merci beaucoup Bruno Macquart d'être venu nous parler de ces enjeux cruciaux à faire se rejoindre les sciences et la société dans des musées comme la Cité des Sciences et de l'Industrie. Vous qui nous écoutez, si vous êtes à Paris ou simplement de passage, courez à la Villette pour voir ce lieu unique qui vous fera réfléchir sur ce que sont les sciences au présent. Un clin d'œil à la comète Halley qui brillait dans le ciel le jour de l'inauguration de la Cité des Sciences avec la chanson « Où cometa » par Rodrigo Amarante. Un grand merci à Eve Etienne et à la réalisation Cassandre Puel. Merci à Denis Forget de l'INA, notre partenaire, pour son aide dans la recherche d'archives. Et merci à Marie-Claire Oumabadi, aujourd'hui à la technique. Vous pouvez nous réécouter comme chaque semaine, comme toujours, sur l'appli Radio France ou bien sur le site franceculture.fr. N'oubliez pas de régler vos montres à l'heure des sciences. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, pour un nouvel épisode de Science Chrono. Ainda é, será assim entre nós. Foi meu professor, foi meu cúmplice. Sua mente eu sei, só chego ao índice. Fera dos palácios, peste dos jardins. Orquestrava lata e traduzia do latim. Mas o decoro, coro, status quo, ele dizia cara assim, oh, oh. E sua força era sua voz. Ainda é, será assim entre nós. O cometa passou, marcou meu corpo, está escrito. O cometa passou. Est une machinerie complexe. Le neurologue Laurent Cohen nous embarque dans une nouvelle saison de la collection de podcasts originaux Votre cerveau. Faites vos propres expériences sonores en jouant avec lui. Madame, est-ce que vous pouvez me donner la main, s'il vous plaît? La main? Qu'est-ce que c'est? Votre cerveau, saison 5, réalisé par Louise André sur franceculture.fr et l'appli Radio France.